venu à cette conférence ayant pour titre les dangers de la mentalisation. C'est ce que j'allais dire. C'est dangereux de mentaliser. Effectivement, s'il y a un titre comme ça, ça veut. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres étapes avant d'arriver à la mentalisation, ou est-ce que la mentalisation, c'est la même chose que la rationalisation? Mais la mentalisation, c'est lorsqu'on fait un certain travail au niveau du mental. Il y a plusieurs étapes avant que l'humain parvienne à mentaliser. Pour, évidemment, il faut que l'humain se crée un mental. C'est pas tous les humains qui ont une partie mentale suffisamment développée pour dire qu'elle est utile. Premièrement, la majorité des personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont astraliser les choses. Elles vont vivre d'une façon astrale. Et quand on parle d'astraliser, on fait donc référence au corps astral qui est constitué de l'âme, des mémoires volatiles, de l'ego, ces choses-là. Ça en fait partie du monde astral. Le monde de la mort, le ciel, le paradis, le nirvana. Normalement, l'humain astralise, et dans l'astralisation, bien, on reconnaît au départ la spiritualisation. Et on reconnaît l'émotivisation qui est un petit peu avant. On reconnaît aussi la rationalisation. Ça fait partie du monde astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, l'humain va émotiviser les choses, et émotiviser comme mentaliser, ça veut dire capter des événements extérieurs, capter de l'information, vivre, prendre de l'expérience, et travailler ça à l'intérieur de nous pour parvenir à le digérer, à l'assimiler. Donc à le faire mémoire, à le faire nôtre. Alors l'émotivisation, c'est lorsqu'au départ, l'humain va toujours percevoir les choses en les colorant émotivement. Alors, il voit un arbre, va dire c'est un bel arbre, va dire c'est un arbre qui est laid, il voit quelqu'un, il va trouver cette personne-là, elle est idiote. Bon, les personnes émotivisent les choses. On qualifie, c'est ça. Donc, on émotivise. Alors, il pleut, il fait encore du mauvais temps. On émotivise les choses. Et la majorité des personnes vont vivre émotivement, donc elles vont émotiviser les choses, c'est-à-dire que elles vont acheter une automobile en fonction de leurs caractéristiques émotives, en fonction de l'impression émotive qui va être créée chez elles, et non pas en fonction de l'impression mentale, par exemple. Alors, est-ce que l'automobile est sécuritaire ou non, c'est pas important. Il y a plusieurs personnes qui achètent uniquement en fonction de l'émotivité. Alors, il y a des personnes qui vont s'endetter parce qu'elles ont acheté trop émotivement. Et encore là, l'endettement peut par la suite être perçu émotivement. Là, c'est une maudite société pourrie, puis on est encore dans la misère, puis etc. Bon. Il nous force à dépenser, puis si on n'aurait pas de carte de crédit, on pourrait pas dépenser, puis si on n'aurait pas ci. Puis le rôle des cartes de crédit, ben c'est pas une société libre, puis bon, en tout cas. Alors, c'est le genre de pour rien contre tout. Émotivement parlant, lorsque l'humain motivise des choses, c'est évident que tout devient extrêmement compliqué. C'est très, très beau ou très, très laid, ou c'est... Dépendamment encore de savoir que la personne va aller chercher, minimum, c'est beau ou laid. Par exemple, toi, tu prends l'automobile de ta femme, puis tu as un accident. Quand tu reviens avec, ta femme, si elle émotivise, elle va dire « Pourquoi tu m'as fait ça encore? » Parce qu'évidemment, tu lui as fait ça, puis c'est émotivement qu'elle vit l'affaire, puis pourquoi tu veux la rendre malheureuse, pourquoi tu fais exprès, tu sais que, bon, c'est émotivisé. Comme les parents, souvent, vont émotiviser quand ils vont éduquer leurs enfants. Tu arrives en retard, tu sais que ça m'inquiète, pourquoi tu fais ça, tu le fais exprès, etc. C'est de l'émotivisation. Il n'y a pas là-dedans de logifération, il n'y a pas de mentalisation, il n'y a pas d'intelligentiation, il n'y a même pas de rationalisation. C'est de l'émotivisation. Et l'émotivisation, évidemment, on peut adapter plusieurs phénomènes à l'émotif. Et c'est un gros problème parce que l'émotion, c'est l'une des grandes expressions de l'âme dans le corps physique. Et l'émotion, c'est quelque chose qui tue l'humain. Il n'y a pas une seule émotion qui est bonne sur la planète. L'émotion, c'est quelque chose qui détruit le corps physique, qui détruit le mental, qui détruit même les sphères spirituelles chez l'humain. L'émotion, c'est quelque chose qui détruit l'humain au complet. L'émotion, ça te détruit, et ça détruit ceux qui, à l'extérieur de toi, vont te servir de nourriture émotive. Est-ce que l'émotion, dans le sens de l'amour... Mais l'amour, c'est pas une émotion. C'est quoi? On peut vivre un amour émotif, en tout cas? Non, ben si on vit un amour émotif, on vit une émotion, donc on ne vit pas d'amour. L'amour, c'est pas de l'émotion? Non. C'est un sentiment? Oui. Et le sentiment, c'est quelque chose d'intelligent. L'amour, lorsque l'humain vit émotivement son amour, c'est un amour qui est possessif. Et l'amour, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à la condition qu'il s'habille de telle façon. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à la condition qu'il ne fasse plus ceci ou cela. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et je le dis souvent, l'amour, ça n'aime pas. Si tu aimes réellement, il n'y a pas une seule chose sur la planète que tu peux haïr. Si tu aimes. Et s'il y a une chose que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas du tout. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est une question de sentiment et ça ne se décide pas. Tu vas avoir le sens, tu vas vibrer un sentiment particulier, tu décides absolument rien, et ce n'est pas, tu n'obligeras pas, tu ne rendras pas esclave les choses ou les événements ou les humains qui te créent ces sentiments-là. Quand tu vis un amour intelligent, donc un amour véritable. L'émotion, c'est quelque chose qui s'exprime uniquement dans le corps physique. Alors la personne, par exemple, on revient encore au parent qui est en colère parce que son enfant rentre trop tard ou est en retard. Et la personne, si on la regarde aller, on se rend compte que son cœur vient d'accélérer, elle va rougir, elle peut être en colère, elle va transpirer, elle est hyperactive, elle est nerveuse. Il y a toute une mécanique de gestion corporelle qui se met en branle. Et chaque émotion est toujours vécue par le corps physique. Et le corps physique, lui, doit supporter l'assaut continuel de l'ego par l'expression de l'émotion. Alors, chaque fois qu'on émotivise, on se tue. L'émotion est un phénomène. La personne, elle nostalgise, et puis là, les larmes lui viennent aux yeux, mon réaction exocrinienne, mais il y a des réactions exocriniennes en même temps. Chaque fois qu'une personne vit de l'émotion, c'est sûr qu'elle va dire « ça m'a pris jusque dans mes tripes ». C'est évident, ça va accélérer le péristaltisme de l'intestin. Ça, il se passe des choses dans le corps physique. Et traditionnellement, l'humain fait beaucoup plus confiance à des lectures émotives, donc à des perceptions émotives qu'à des perceptions soit d'intelligence ou d'autre chose. Par exemple, tu entends une musique, la musique elle peut être extrêmement belle mathématiquement, mais si elle ne te fait pas sécréter endocrinalement parlant, autrement dit, si elle ne te fait pas vivre d'émotions, la majorité des individus qui émotivisent vont trouver que c'est pas nécessairement beau. Ils vont préférer une musique qui va les ramasser comme il faut. Si on regarde, par exemple, la majorité des enfants Teflon, des jeunes, des enfants nouveaux, il y a plusieurs musiques qui ne les ramasseront pas émotivement parce que l'enfant est physiologiquement trop solide pour bouger émotivement ces musiques-là. Il peut apprendre à les aimer et à les apprécier, mais il n'aura pas de réaction émotive. Mais étant donné que l'enfant recherche des réactions émotives pour être comme tout le monde, eh bien, il va falloir qu'il aille se chercher des musiques extrêmement plus violentes. Ça va être le métal hurlant, le heavy metal, ça va être des choses en genre qui vont être capables de le faire bouger endocrinalement. Et là, il vit des émotions. Là, il va être heureux, selon lui, évidemment. Sauf qu'il se détruit progressivement. Par comparaison avec les autres, il va vivre le même phénomène. C'est ça. Alors, il vit le même problème que tout le monde, alors il est heureux. C'est un paradoxe humain. Alors, émotiviser les choses, c'est donc continuellement colorer toutes nos perceptions en fonction de l'émotivité. Et il faut faire attention, il y a plusieurs sentiments qui sont extraordinairement utiles, qui sont bénéfiques, que l'humain va vivre émotivement, et c'est pourquoi l'humain va dire « c'est des émotions ». Alors, l'humain va dire « il y a des bonnes émotions ». Comme par exemple, regarder ton équipe de hockey gagner la Coupe Stanley, c'est des bonnes émotions. Mais si t'es cardiaque, tu peux en mourir. Pourquoi? Parce que l'émotion attaque le corps très solidement. Surtout, et si le corps affaibli, ça peut te tuer. Surtout si ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas gagné. Exactement. Prenons l'exemple des Expos de bar qui gagneraient la coupe. Ça, quoi? Ils n'ont jamais gagné. Là, on verrait, il y avait combien de cardiaques c'est à Montréal. Exactement. Combien il y avait d'amateurs, de sportifs cardiaques. Parce que l'émotion est un problème. Mais les bonnes émotions, dans le sens... Il n'y en a pas de bonnes au niveau physique, mais ce qu'on appelle bonne émotion peut être aussi une belle, si on changeait le qualificatif, une belle émotion dans le sens d'un sentiment d'amour. Un sentiment d'amour, ce n'est pas une émotion. Comme je dis encore une fois, c'est que à un moment donné, la personne, l'humain, ne différencie plus. Premièrement, le règne évolutif de l'humain a été basé sur l'astralisation, donc sur l'émotivisation, ce qui fait que tout ce qui était intéressant, puis joli, puis extraordinaire, on l'a émotivisé. Hein? À l'humain, au départ, l'humain ne pouvait faire autrement que d'émotiviser les choses. Donc, il ne mentalisait pas, puis il ne logiférait pas, puis il faisait rien de ça. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas été capable de s'en souvenir? L'ego n'aurait pas pu accumuler ou... Non, pour la même raison que le mental n'était pas créé. Donc, nécessairement, il restait au niveau du plan astral. Il fallait que Dieu l'aime ou que Dieu l'haïsse. Il fallait qu'il se passe, il fallait se faire émotiviser les choses. Si on a été créé, c'est parce qu'il y a un bonhomme qui nous aimait ou une bonne femme qui nous aimait. C'était émotif. Il faut qu'il y ait eu quelque chose d'émotif. Si, par exemple, à un moment donné, tu es puni par Dieu ou par la vie, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct qu'on te punit. Tu as mis, tu fais pleurer le petit Jésus, ou tu as mis Dieu en colère, ou tu as mis Vishnu sans dessous-dessous. Bon, c'est émotif. L'humain explique émotivement les choses. Alors que l'émotivisation est un grand problème parce que tout ce qui arrive, on essaie de le comprendre à partir de la valeur émotive de notre ego, donc en fonction de ce qui nous manipule le plus chez nous, de l'émotion. Par exemple, c'est une belle journée, je me sens bien. C'est une pas belle journée, je me sens pas bien. Mais une journée, c'est une journée. Il n'y a pas de belle, il n'y a pas de mauvaise journée. La pluie, on en a besoin. La neige, on en a besoin. Les pays les plus évolués sur la planète, c'est les pays qui vivent dans des régions où il neige. Donc, ça sent chialer contre la neige. Le soleil, on en a besoin aussi. Bon, il peut créer des cancers de peau. Se protège, c'est fini là. L'humain peut s'adapter. Si l'humain commence à rentrer dans son mental, nécessairement, l'humain va être capable de s'adapter, puis l'humain va cesser de chialer. Il y a une crevaison après son automobile, il sort, puis il dit « Ah, oh, ben, c'est une crevaison. Bon, il faut que je trouve les outils pour changer la roue. » L'humain qui est motivé, il va dire « Ah, oh, maudit, pourquoi ça m'arrive? Une crevaison, ça ne va pas arriver ailleurs. » Tout ça, ça ne sert à rien. Mais l'humain perd de l'énergie, perd de sa santé, perd de sa vie dans l'émotivisation. Est-ce qu'après l'émotivisation, on se rend directement à la mentalisation ou s'il y a des étapes? Après l'émotivisation, on va spiritualiser, normalement. Donc, il y a la spiritualisation. Quand on spiritualise, on fait quoi? On raffine l'émotivisation. plus subtil. On déifie, oui, ça c'est plus subtil. C'est plus subtil, mais c'est la même chose. Alors finalement, c'est pas parce que c'est beau, c'est parce que Dieu le veut. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce que le Dieu voulait comme ça. Il fait une crevaison parce que ça plaisait à Dieu. Ah, si Dieu avait quelque chose à m'enseigner, Dieu. Et puis, la spiritualisation, c'est une problématique. Pourquoi? Parce que l'humain va... La spiritualisation, évidemment, on a l'occultisation qui peut arriver là-dedans, c'est-à-dire qu'on va cacher les choses. On va... pas mystifier, disons, mystérioriser les choses. On va les rendre mystérieuses. Alors, les voies de Dieu sont impénétrables, ça fera partie de ça, mais ça fera partie d'autres choses. Par exemple, vous sortez, puis vous voyez un avion passer, le téléphone sonne, puis quelqu'un est mort dans votre famille. Bon. Et la spiritualisation, la perception spirituelle des choses va faire en sorte que la personne, quand elle va sortir, elle va voir un avion, elle va avoir peur que quelqu'un est encore mort dans sa famille. Quand elle sort sur son balcon au même moment qu'eux, etc. Bon. Et la spiritualisation va faire en sorte que de temps en temps, on a des questions. Comment ça se fait que chaque fois que je regarde ma montre, il est toujours quelques heures, 12. Il est 1h12, il est 13h12, il est 18h12, il est 22h12, il est 25h12, celui, c'est pas du monde. Et comment ça se fait que ça, c'est la spiritualisation? La personne la regarde, ça monte souvent, mais l'ego va noter plus précisément et plus profondément le 12. Pourquoi? Parce que la personne, elle a une vision spirituelle des choses. Donc, elle va vivre comme ça. Les alcooliques anonymes, par exemple, l'émancipation pour arriver à se libérer de l'alcoolisme, c'est une vision spirituelle. Donc, ils vont spiritualiser. Et c'est évident que l'émotivisation est essentielle. Mais à un moment donné, ça devient très, très nuisible. La spiritualisation est essentielle. À un moment donné, ça devient très, très nuisible. La spiritualisation va aider à libérer l'émotivisation. Ouais. Normalement, la spiritualisation, c'est l'étape qui va faire en sorte que tu vas te dégager de l'émotivisation. Alors, au lieu de dire que c'est parce que c'est beau ou parce que ça te plaît, tu vas finir par intégrer Dieu chez toi. Alors, tu vas dire simplement, je veux pas que tu fasses ça parce que Dieu veut pour lui. Bon, c'est facile. Alors, les prêtres vont spiritualiser, puis les parents qui sont souvent assujettis à des sectes particulières ou à des grandes religions peuvent souvent spiritualiser les choses, puis vouloir éduquer leurs enfants en spiritualisant ce qu'ils perçoivent, évidemment, vouloir s'éduquer aussi. On peut spiritualiser aussi l'enseignement de l'intelligence ou l'instruction, ou appelons-le comme on voudra. On peut dire, si on a un accident, ben, c'est parce que j'ai pas de libre-arbitre. Est-ce qu'on spiritualise aussi? Ça peut être de la logifération, ça peut être de la mentalisation, ça peut être de la spiritualisation. Bon, j'ai eu un accident, ça y est, j'ai encore du karma à payer. S'il y a de l'émotion dans ta voix, c'est la spiritualisation que tu fais. C'est le karma, c'est un principe divin dans la spiritualisation. Et le karma, c'est toujours une loi. Et si c'est une loi, ça a été planté là par quelqu'un. Alors donc, tu vas faire un peu de cosmogonie, donc de théogonie, c'est-à-dire que tu ramènes tout quand même dans des mécaniques divines ou célestes. Ah, c'est le cosmos qui voulait que... On enlève le nom Dieu, mais on le remplace par d'autres choses, finalement. C'est encore là, un peu plus subtil, mais encore vrai. C'est la même chose. L'énergie cosmique, l'énergie divine, c'est mic machin chouette, c'est ce qu'on voudra. C'est Crocodile Dundee là, qui voulait que le chien m'attaque. Bon, la personne, elle va spiritualiser. Ça peut être les fées, ces entités de la nature. Je suis malade à cause de mes vies antérieures. Bon, ça, c'est souvent de la spiritualisation parce que la personne se plaint. La personne, elle a de l'émotivité là-dedans. Ça, c'est des visions spirituelles. Et dans le même événement, si c'était pas spirituel, si c'était rationnel... Elle pourrait légiférer, elle pourrait mentaliser, puis elle pourrait... Ça s'arrête là. Il faudrait comprendre. Mais ça fait partie de la légifération. On va y arriver. Donc, la spiritualisation, c'est extraordinairement intéressant. C'est fondamental. L'humain en a besoin jusqu'au jour où la spiritualisation l'empêche carrément d'aller sur d'autres choses. D'autres choses que l'humain a besoin. Puis l'autre chose, c'est la rationalisation. C'est pourquoi, dans l'historicité planétaire, ben après les religions, à un moment donné, c'est la science qui est arrivée, hein? Le système cartésien, le système rationnel, où on essayait de rejeter un peu l'intuitif, on essayait de rejeter l'émotif, le spirituel. Alors, on en arrive après la spiritualisation au rationnel, ce qui fait que là, le rationnel aura comme rôle, dans la rationalisation, il aura comme rôle de détruire chez l'humain une grande partie de sa spiritualisation, qui, elle, avait pour rôle d'intégrer l'émotivisation. Alors, la rationalisation va faire en sorte que tu as débarqué des religions. Ah oui, mais Dieu nous a créés. Pourquoi il nous a créés, Dieu? Puis qui l'a créé, lui? Et bon, il s'est créé tout seul. Ah, il s'est créé tout seul. Mais s'il s'est créé tout seul, nous aussi. S'il y avait un commencement pour nous autres, il va en avoir un pour lui. Parce qu'à cette étape-là, on a toujours besoin de preuves quand on est rationnel. Pas nécessairement, parce que la rationalisation... D'un déroulement logique ou... Non, la logifération, tu prendras des données, puis tu créeras des concepts théoriques. La rationalisation, ce qui vient, c'est ça ressemble énormément à l'intellectualisation. L'intellectualisation apparaît un petit peu après, normalement. La rationalisation, c'est quand tu essaies de mathématiser, de rendre cartésien, de rendre rationnel ta spiritualité. Alors, tu vas, par exemple, prendre le mouvement raélien. Le mouvement raélien, on rationalise là-dedans. Alors, on décide que la Bible est vraie, mais la Bible compte l'histoire des Éloïens quand ils sont venus. Puis là, on explique tout d'une façon rationnelle, exactement cartésienne, qu'est-ce qui s'est passé. On fait des expériences sur la génétique, on a créé les dinosaures, il y a des créateurs qui sont devenus plus ou moins fous, puis ça a créé pas quatre bébites, ça n'a plus de sens. Bon, etc., etc. C'est vrai que l'humain, c'était pas vrai. Enfin. Alors, on va donc rationaliser en essayant de prendre notre spiritualité et puis la rendre scientifique. Ça, c'est la rationalisation. Alors, on verra apparaître la cabale, par exemple. On verra apparaître la numérologie, c'est la rationalisation. On verra apparaître l'astrologie, qui, pour certains, reste de la spiritualisation. Pour d'autres, est de la rationalisation. C'est mathématique, etc. Mais on est encore dans le schéma spirituel. Où les astres contrôlent l'humain. Donc, c'est pas Dieu, c'est les astres. C'est Mars qui décide simplement la grandeur que faut envoyer tes oreilles. Alors ça, c'est la rationalisation. Puis la rationalisation, c'est effectivement la tentative de l'ego de rendre scientifique sa spiritualité, parce qu'à un moment donné, il commence à développer un plan mental. Alors le plan mental, son rôle va être de détruire toute forme de spiritualité chez l'humain. Alors la rationalisation, c'est l'effort de l'ego pour essayer de prouver au mental en train de naître, qui va s'appeler l'intellect, pour prouver au mental en train de naître que sa spiritualité, elle est acceptable scientifiquement. Mais c'est pas long que la rationalisation va t'amener à l'intellect. L'intellectualisation va progressivement démolir une partie des choses que la rationalisation aura amenées. Et c'est pas long, là tu es rendu dans le plan de la mentalisation, c'est pas long que tu passes à la logifération. Autrement dit, il y a l'astralisation, qui inclut les motivisations, la spiritualisation et la rationalisation, qui est un point charnière entre la mentalisation et l'astralisation. Deuxième niveau, on a la mentalisation qui inclut donc la rationalisation au point charnière, l'intellectualisation, la logifération, et on va dire une logifération mentale, on pourra parler d'une deuxième mentalisation, c'est de celle-là, c'est effectivement extrêmement dangereux. Et par la suite, on aura l'intelligentiation qui est un point charnière entre la mentalisation et le plan supramental. Donc, on va revenir. Donc, l'individu qui... Rendu à la rationalisation, on démolit, c'est ce que je pensais, on démolit l'ego ou les concepts que l'ego se sont accumulés dans un plan pour commencer à en rebâtir des nouveaux qui vont être... La mentalisation globale, c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que ça doit détruire tout l'esclavage mémoriel auquel l'humain est assujetti. La mentalisation doit détruire chez l'humain toutes les traces de liaison émotive avec le passé, de liaison émotive avec les événements, de liaison spirituelle avec le passé, de liaison spirituelle avec les événements. La mentalisation va finir par bien te faire voir que tu ne peux pas aujourd'hui souffrir comme tu souffres là parce qu'il y a un bonhomme et une bonne femme, Adam et Ève, qui ont bouffé une pomme quelque part dans un jardin au nez d'un Dieu extrêmement bon. Tu sais, la mentalisation là, va te les envoyer très loin, ceux-là. Donc, dans la mentalisation, il y a donc la rationalisation. Par la suite, c'est l'intellectualisation. L'intellectualisation... C'est une petite mentalisation, c'est pas fort. L'intellectualisation, c'est qu'on est dans des court-circuits intellectuels où on se gave, on se nourrit de la puissance qu'a l'ego de jouer à quelqu'un d'intelligent, de logique. C'est ça, de l'intellectualisme. Alors, l'intellectualisation, c'est lorsqu'un individu va toujours amener les perceptions de la vie, des événements et des choses au niveau de l'intellect. Est-ce que c'est la philosophie? Non, la philosophie, c'est intéressant. La philosophie, ça peut être émotif. La philosophie, ça peut être spirituel. La philosophie, ça peut être cartésien, ça peut être logique. Puis la philosophie, ça peut nécessairement être très intelligent. Alors la philosophie, c'est plutôt une mécanique qui... une espèce de véhicule dans lequel va embarquer certains humains pour cheminer dans leur émotivisation, spiritualisation, etc., jusqu'au plan de l'intelligence. Parce que la philosophie, c'est surtout une façon de parler. Autrement dit, être un théologien, c'est la façon dont tu parles qui fait que tu es théologien. Être philosophe, tu peux parler de Dieu et être philosophe. Tu n'es pas théologien, c'est la façon dont tu parles. Bon, tu peux être un poète, c'est la même chose. Le poète, c'est un autre véhicule. Alors, tu peux être un poète qui parle de Dieu, tu peux être un poète qui parle de l'amour, un poète qui parle des souffrances, un poète qui parle de la logique, un poète qui parle d'autres choses, de la science, un poète qui est astrophysicien, par exemple. C'est des véhicules dans lesquels l'humain va voyager à travers les différents plans qui vont émanciper sa conscience. Donc, l'intellectualisation, c'est très simple, très, très, très simple. La personne, elle comprend jamais rien, elle comprend tout. C'est de l'intellectualisation, avec plusieurs mots, puis elle s'amuse, puis elle fait des loops comme ça, puis on peut s'en aller. Je ne dis pas que développer l'intellect, c'est une chose qui est mauvaise. Il y a des personnes qui sont des intellectuels, mais ce sont des intellectuels qui sont libres de dégager de l'intellectualisme. Mais ces personnes-là ne sont pas des intellectualistes, ce sont des intellectuels. Alors, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui va nourrir son intellect, donc il va nourrir la partie du mental qui commence à naître. Et la personne qui est un intellectuel, c'est une personne qui va ramasser de l'information au niveau de sa mémoire. Alors, elle peut lire sur l'émotion, elle peut lire sur la scientifiquement, elle peut lire sur certaines choses, et elle va s'en servir au niveau de données pour être capable de parvenir de l'intellectualisation à la logifération. Mais l'intellectualiste, lui, c'est une personne, elle, plutôt, c'est une personne qui reste prise dans la mécanique intellectuelle et elle se vautre là-dedans, c'est-à-dire qu'elle se nourrit simplement de ça. Un peu comme la personne dans l'émotion va dire « Ah, mais c'est avec l'amour, je t'aime, tu sais, Charles, ah, puis je vous aime toutes, puis es-tu contente? » Elle se nourrit là-dedans. L'intellectualiste, lui, va faire la même chose, il va se nourrir au niveau du plan mental, il va nourrir son égo aussi. Alors lui, ça va être toujours, par exemple, il y avait 23 personnes, je te demande pardon, il y en avait 24. Bon, il y en avait 24 d'abord, mais exact, il y en avait 24, bon. Parfait. Et puis, à un moment donné, ben là, les heures ont passé. 8h23 minutes. Bon, il est tout fier de ça. C'est de l'intellectualisme qui fait que l'humain se vautre là-dedans, un peu comme l'autre te parlerait juste de l'amour. J'ai une verrue. Ah, c'est parce que tu n'aimes pas ta main. Bon, c'est facile. C'est vrai, mais c'est tout facile. Fait que ça peut être en même temps une forme de spiritualisation d'une science ou de la compréhension des mécaniques mais de la vie. Au niveau d'intellectualisation, non. La personne, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas spirituelle. Un humain peut vivre deux facteurs, là, mais disons, on les prend un par un. Mais l'intellectualiste, lui, non, il est dans l'intellectualisme. C'est même pas scientifique. Du moment qu'il ramasse de l'information, il est obstiné là-dessus, il garde ça, il genre, il se promène. Et puis, à un moment donné, il va s'accrocher à certains maîtres. Ça peut être, par exemple, Hubert Reeve, c'est un maître, tu sais, pour lui. Ça peut être Freud, c'est un maître, pour lui, c'est en psychologie. Ça peut être des personnages, Albert Einstein. Bon, c'est un maître, pourquoi? Parce qu'il considère que tout ce que lui dit est bon. Puis quand il se contredit, c'est correct. Tandis que tous les autres, ça vaut rien. Bon, il se connaît comme un maître. Bon. Alors, il va avoir des auteurs à lui. Puis, normalement, dans l'intellectualisme, ben, évidemment, si tu as écrit 45 livres, même si tu dis rien là-dedans, c'est beaucoup plus imposant que celui qui a écrit 3 livres. Bon. Tu as des quotas émotifs, mais tu as des quotas qui sont établis pour savoir si tu es recevable ou pas au niveau de l'intellectualisme. De l'intellectualisation, l'humain passe à la logifération. La logifération, c'est le début de la mentalisation problématique. La logifération, c'est extrêmement intéressant. L'humain devient M. Spock. Les oreilles en moins. Les oreilles en moins, puis les sourcils plus bas. Bon. Le sang ne devient pas vert, il reste rouge. Mais la logifération, c'est lorsqu'on est capable de logiférer. Tu l'aurais deviné, évidemment. Bon. J'osais même pas le dire. Ben, tu vois comment je suis courageux. Alors, logiférer, ça veut dire. voir les choses de façon logique. Mais la logique, c'est toujours quelque chose qui peut être faux. Est-ce que c'est de les voir de façon logique ou les rendre logiques après qu'on les a vus? C'est toujours la colorer tes perceptions en fonction de la logique. Donc, si tu les vois logiques, parce que tu as coloré avant. Hein? OK. Puis si tu ne les as pas vues logiques, parce que tu as perçu au niveau de l'émotif, par exemple, au niveau d'autres niveaux, ben, à un moment donné, tu vas être capable de les logiférer, donc de les rendre logiques. Alors, logiférer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on ramasse toutes les informations qu'on peut. L'intellectualiste, lui, il va passer sa vie à ramasser l'information, tandis que le logiférateur va ramasser les informations disponibles, mais il va les associer en fonction d'une certaine forme de logique mathématique. Alors, lui, par exemple, il va dire, dans ses structures, nous avons une logifération idiote, là. Ça sera style informatique, sauf que parce que l'humain est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur, il ne reste pas pris là-dedans. La banane est jaune, le mur est jaune, donc la banane est mûre. C'est bon. Ça, c'est une logifération banale. Alors, c'est banal. C'est A est égal à 1, B est égal à 1, donc A est égal à B. C'est une logifération. La personne, par contre, ce qui va arriver, c'est que l'humain a une puissance phénoménale qui surpasse les ordinateurs. L'ordinateur, l'avantage que l'ordinateur a, c'est qu'il se rappelle de tout. Bon. Mais l'humain ne peut pas se rappeler de tout, mais l'humain, l'humain a de l'intelligence. L'humain est capable de comprendre des choses, puis d'apprendre des choses que l'ordinateur ne fait pas encore. Bon, évidemment, il n'a pas grand temps, ils vont être capables de le faire. Mais l'humain, lui, est intuitif. L'ordinateur ne sera jamais intuitif. L'humain a accès à des informations neuves. L'humain peut se connecter. L'ordinateur, tout ce qui peut se connecter, c'est sur des lecteurs d'informations très, très matérielles qui ont été conçus par l'humain. Alors, la logifération, c'est lorsque on va décoder mathématiquement les informations qui arrivent. Et un logiférateur, une personne qui logifère convenablement, ne s'en fait pas. Ça veut dire que la personne qui logifère, la première chose qui lui tombe sur le nez, là, qu'elle s'en rend bien compte direct là, c'est qu'elle n'a pas de débarbé. Bon. Parce que la mentalisation a pour fonction, je le répète, de détruire toutes les traces spirituelles ou émotives qui relient l'humain au passé. Mais pour le détacher, il faut absolument que l'humain comprenne des choses, puis les choses vont être comprises logiquement. Logiquement, si tu achètes un billet de loterie, c'est pour gagner. Si tu ne gagnes pas, c'est parce que tu ne diriges pas ta vie. Bon. Si tu passes ton temps, par exemple, à te maquiller ou à t'arranger, c'est parce que tu n'as pas le visage que tu aurais voulu. Donc, tu ne diriges pas ta vie. Si tu passes ton temps à te tenir en santé, puis à lutter contre tes maladies, etc., c'est parce que tu n'es pas sur la planète que tu voulais. Tu ne diriges pas ta vie. Si tu passes ton temps à te chicaner, puis à t'engueuler, puis à avoir peur, puis à t'ennuyer, puis à essayer de te désennuyer, puis à essayer de te chicaner, etc., c'est que la vie au complet que tu as n'est pas celle que tu veux. Donc, tu ne diriges pas ta vie. C'est de la légifération, c'est évident, c'est logique. Alors, à un moment donné, l'humain qui commence à légiférer va arriver à l'écologisation, c'est pas long, c'est-à-dire qu'il va commencer à écologiser les choses. Donc, il va se rendre compte qu'il y a une logique. Puis cette logique-là, si on l'applique, on va être mieux tout le monde. Mais est-ce qu'au moment où il voit cette logique-là, c'est une forme de colère en même temps ou c'est juste une observation? Non, c'est, il peut voir la chose, mais il peut avoir des colères en dedans parce que l'humain avance sur plusieurs plans. Avant la conscientisation, donc pendant les phases d'évolution, l'humain évolue sur plusieurs plans. Alors, l'humain peut comprendre que c'est correct, puis en dedans, l'humain peut en avoir un ras-le-bol que ce soit correct, puis l'humain peut trouver ça stupide, puis l'humain peut s'amuser en masse dedans. Donc, il peut y avoir des colères internes qui font partie des processus de l'évolution qui vont faire éclater la conscience. Donc, qui vont amener l'humain à la conscientisation, qui est la phase qui va suivre, disons, la limitation de la mentalisation. Alors, quand on commence à écologiser les choses, c'est simplement parce qu'on commence à se rendre compte que, écoute, on fait les choses logiquement. Par exemple, un légiférateur pur serait capable de donner sa vie pour sauver la vie de 2, 3 ou 4 autres personnes. C'est logique. Il n'y a aucun foyer de la... Il ne poserait même pas de questions. Parce qu'il est encore habité par des mécanismes et des messagers astrales qui le relient au passé, parce que l'humain n'est pas encore libéré de sa mentalisation. Il peut se poser des questions en émotive. Sauf que, normalement, un légiférateur n'aura pas de problème là. Donc, la légifération, ça va surtout nous permettre, en tant qu'être humain qui se conscientise, de comprendre des mécaniques qui sont totalement nouvelles. C'est-à-dire qu'on va être capable, progressivement, de supporter facilement l'idée qu'on n'a pas de libre arbitre, puis qu'on peut peut-être aller vers une liberté, mais pas une... Bon, on peut, par la légifération, comprendre les mécaniques d'associatisme d'ego. On peut comprendre les mécaniques qui vont permettre à l'humain de ne plus se sentir coupable, parce que l'humain, étant donné que c'est pas l'humain qui... L'humain ne fait pas les choses, c'est pas lui qui est coupable. La légifération permet une panoplie de choses et elle permet surtout de développer une subtilité dans la conscience qui permet l'avènement du paradoxe de l'évolution. Puis le paradoxe de l'évolution, c'est des choses qui vont permettre, par exemple, de dire à quelqu'un, « Ben écoute, ce que tu dis est totalement vrai, mais c'est pas ce que tu dis. » Ce que tu viens de dire là est vrai, mais toi, tu t'as tort. T'as tort, c'est ça. Ou encore, on va dire, « T'as totalement raison, mais t'as totalement tort. » Puis l'autre va comprendre la logistique de l'affaire. Ça permet d'amener une panoplie de paradoxes. Et ça va permettre à l'humain, par la légifération, de comprendre, d'être capable de redonner une valeur réelle aux choses qui ont été motivisées, spiritualisées. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui va dire, « Crime, je vais aller à l'église pour prier. » Quelqu'un va dire, « Ouais, mais c'est la spiritualité. » L'autre va dire, « Non, c'est pas la spiritualité. Il y a des mécaniques qui existent, c'est logique que je m'en serve. » Et il est déconnecté émotivement. Il n'y aura pas de stress émotif à pénétrer dans une église. Ça, tu vas lui dire, « Écoute, c'est pas une église catholique, c'est une église mormone. » Elle m'a allé, c'est tout, il n'y a aucun problème, mais je n'ai rien à faire. Il n'y a personne à rendre, puis elle va faire. Comprends la mécanique des choses. Alors, donc, la capacité de légifération nous permet de comprendre la mécanique et de l'appliquer simplement. C'est très, très facile. Si tu lui dis que tu l'aimes, là, ça va l'aider à guérir. Ah oui, bon, parfait. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Puis si je lui dis que ça va l'aider, bon, pas de problème. Si tu es uniquement légiférateur, ben, tu vas y aller, puis tu vas y communiquer sentimentiquement. Que tu l'aimes, tu n'auras pas de problématique. Si tu es émotif, tu es spirituel, tu es organisé, ben, tu es manipulé en arrière par l'astral, c'est évident que là, ben oui, mais là, c'est niaiseux de dire, j'ai jamais dit, puis en plus, un gars qui dit à un gars qu'il l'aime, puis en tout cas, tu peux en mettre plein. Parce que tu vis émotivement toujours les choses. Alors, la légifération est extrêmement intéressante, puis il y a la légifération phase 1 et phase 2. La légifération phase 1 amène normalement à la mentalisation dangereuse. La mentalisation, on en a déjà parlé. Tu te rappelles? Oui. Tu s'en rappelles? Je m'en rappelle. On va en parler pareil. Il y en a peut-être qui n'est pas là. J'avais demandé simplement de me donner des raisons mentales pour qu'on ne fasse pas des choses qui sont apparemment mentalement acceptables, logiques. La légifération, c'est une chose qui prend en ligne de compte, qui tient compte des faiblesses humaines, de l'émotivité, de la spiritualisation, des manipulations, de ces choses-là. La mentalisation ne tient plus compte de rien. Elle se sert de certaines choses pour se court-circuiter. C'est un courant, j'ai un courant parfait. La mentalisation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, écoute, par exemple, tu prends une arme à feu, puis tu tires dans le dos. Oh! Elle va mourir. Ça, elle va pas mourir, elle ne mourra pas. Puis ça, c'est la mentalisation. Et la problématique de la mentalisation, c'est que vous aurez toujours raison. Il n'y a personne qui va être capable de vous faire voir que vous avez tort. Parce que celui qui mentalise a toujours tort. Hein? Il a raison et il a tort. Bon, toujours. puis il voit tous les points de vue? Ou il peut jouer avec? Il voit pas tous les points de vue. Il voit uniquement des points de vue qui sont limités dans le passé. Il n'a pas accès encore à l'information neuve, à l'intelligence supramentale, à l'intelligence instantanée ou à l'amour interinstantané. Il a accès uniquement à l'information qu'il a chez lui et il va dénuder toute l'information de son expérience de vie. Il va arracher de cette information-là toute son émotivité. Ça, il n'a plus d'émotivité. De ce fait, il va dire, bon, on a un enfant de 4 ans là, qui est en phase terminale de leucémie. Tu es là, ça ne sert à rien qu'on le garde. Oui, mais il ne souffre pas, il est bien correct, il va mourir dans 2 semaines. Comme il s'est niaiseux, on le nourrit pendant 2 semaines pour rien. T'sais, ça sert à quoi? Bon, la mentalisation va agir comme ça. Il n'y a pas d'émotivité. Donc, tu vas dire, ben, c'est sûr que si, vu qu'il meurt dans 2 semaines, il y a 2 semaines à vivre, il ne souffre pas, puis il est heureux. Mais ça va lui servir à quoi? Mais la mentalisation va faire en sorte, à un moment donné, qu'il va dire, écoute, tu vois tout le monde, il va tout mourir de toute façon. T'sais, t'as compte, c'est un gaspillage inutile. Bon. Et là, la personne, elle va dire, ouais, mais elle va être prête à tuer les gens. Mais là, on va lui dire, tue-toi. La mentalisation, ce qu'elle va se dire, voyons, si je me tue, je me réincarne, ça devient stupide. Elle recommence à porter des couches. La personne, elle vit des problèmes. La mentalisation, ça crée cela. C'est ça qui amène une forme de court-circuit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse, puis une autre question, puis une autre réponse, puis une autre question. C'est un cœur-circuit, c'est le cas de le dire. C'est un cœur-circuit. C'est un court-circuit au niveau de l'astral, au niveau de l'émotivité, au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau de tout. Il n'y a pas de sentiment à ce niveau-là? Non, il n'y a pas d'émotion, mais est-ce qu'il y a des sentiments au niveau mental? Le mentalisateur vit une petite émotion de temps en temps, il vit un sentiment, il vit des petites choses. Mais c'est pas long qu'il revient mental, et ça, c'est un maudit problème. Pourquoi? Parce que la mentalisation, je le répète, puis c'est d'ailleurs le sujet de la conférence, c'était bon qu'on exprime, qu'on explique avant comment on y arrive. Mais comprenez bien une chose, on peut être émotif et de temps en temps mentalisé. On peut être spirituel, puis de temps en temps émotivisé, puis de temps en temps mentalisé, puis de temps en temps logiféré. Mais la mentalisation, elle se définit par un principe simple. L'information qui est en train d'être analysée au niveau de notre, disons, de notre conscience, est dénuée d'émotions. Mais la problématique, c'est que l'émotion chez l'animal humain, l'émotion chez l'être humain, disons, jusqu'à la, on va dire, début du 21e siècle, l'émotion, c'est ce qui remplace l'amour. Alors, l'émotion n'est pas de l'amour, c'est ce qui remplace l'amour. Parce qu'il n'y avait pas d'amour à ce moment-là. L'humain ne pouvait pas supporter de l'amour avant, l'humain l'émotivisait. Alors, ce qui arrive, c'est que vu que l'émotion est éliminée et qu'il n'y a pas encore d'amour dans la conscience humaine pendant la période de transition, qui peut durer d'une heure à 200 ans, la personne qui mentalise, donc, elle va toujours analyser d'une façon totalement dénuée d'émotion. Et ça crée donc le problème, c'est qu'elle analyse en fonction des mécaniques. C'est extrêmement simple. On va vous opérer, et puis, ouais, allez-vous m'anesthésier? On fait tout ça en poisson, on fait assez mal, tu tomberais d'un point de vue, aucun problème. Tu sais, je suis pas besoin de le laisser. On va se trouver un peu plus. Ça n'a pas de connaissance, de toute façon. Non, aucun problème. Si on fait assez mal, bah, t'es inconscient. La mentalisation, ça va faire, par exemple, qu'il y a 2 chirurgiens qui vont parler à côté d'un patient. Ah, pour moi, il va mourir, etc. Puis le patient, finalement, il meurt pas, puis il reste traumatisé pendant quelques années. Et si les 2 chirurgiens sont mentaux, ils vont dire, bah, c'est son karma, tu sais. Effectivement, c'est son karma. Et comme le disait le Nazaréen, c'est que le malheur doit venir. Et malheur, par qui il va venir? Alors, je suis d'accord que c'est ton karma. Comme je disais souvent, quand je suis souvent séminariste, si quelqu'un, par exemple, doit lui arriver quelque chose, si vous considérez que c'est gynécologique et négatif, mais ça doit lui arriver quand même, faites-le pas. Il y en a un autre qui va venir le faire. Alors, faites-vous-en pas avec ça. Alors, t'as pas, mais sauf que le mentalisateur, lui, il va toujours y aller en fonction de ce qu'il peut lui rapporter. Puis si ça, par exemple, c'est un vendeur, puis il vole un client. Bon, et premièrement, il devrait me payer le client parce que je suis en train de l'instruire à puis se voler, un. Deuxièmement, c'est son karma, deux, bon. Et puis troisièmement, ben, je suis manipulé, pas de ma faute, bon, 3. Puis il a totalement raison. C'est mon plan de vie, puis c'est le sien. Ouais. 4 et 5. Ouais. Mais il a raison. Il a totalement raison. La problématique, ce qui se passe, c'est que son plan de vie, c'est aussi celui des martyrs de la transition supramentale. Son plan de vie, c'est aussi, pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans de la conscience. Puis ce que l'humain, le mentalisateur ne peut pas le savoir, ce que l'humain ne sait pas encore, c'est que malgré qu'il soit dans un contexte totalement destiné, donc il n'a pas de libre arbitre, il a l'impression qu'il en a un, parce que ça lui permet de supporter le fait qu'il n'en a pas, c'est qu'à un moment donné, quand l'intelligence commence à s'en mêler, elle n'est pas prévue par le contexte astral, donc par le contexte de manipulation. Alors, si c'est votre plan de vie de vivre pour un petit pain, quand vous commencez à avoir de l'intelligence, vous allez voir que votre plan de vie, là, on va le laisser en bas, puis vous allez commencer à faire de l'argent, à avoir du temps, à avoir de la santé, à fonctionner autrement. Mais la personne qui mentalise, elle est toujours en fonction du passé. Et c'est dénué d'émotivité. C'est là qu'il y a un paradoxe, dans le sens que, comme le vendeur dit, dans l'exemple que tu donnais tantôt, il a totalement raison au point de vue mental, mais en même temps, il a totalement tort, parce que il reste connecté ou assujetti. Ouais. Disons que si tu regardes de bas en haut ton vendeur, puis tu regardes les lois qui sont en bas, il a totalement raison. Mais si tu regardes de bas en haut pour voir où il pourrait aller s'il changerait sa façon de voir les choses, il a totalement tort. Mais évidemment, du point de vue humain, du point de vue spirituel, religieux, théologique, etc., tu sais, si Dieu veut que quelqu'un meure, il va mourir. Tu auras beau avoir les meilleurs chirurgiens, il va mourir. Puis par rapport à l'autre étape spirituelle, il y aurait totalement tort aussi. Ben oui. Mais si Dieu veut que quelqu'un meure, il va absolument mourir. Ouais. Hein? Comme tu auras beau prendre les meilleurs médicaments, les meilleurs, etc., il va mourir. Parfait. Alors si tu es malade, tu as une petite hémorragie, tu t'es coupé, là, ici, tu as fini de saigner. Si Dieu veut que tu vives, là, ça va arrêter. Hein? Bon, ben démerde-toi. C'est drôle, Dieu, il a ça là qu'il veut plus souvent que le monde meure que le monde vive. Hein? Parce qu'il faut qu'on s'en occupe en maudit sans ça, il meurt. Le mentalisateur, lui, ben, il va fonctionner différemment. Si ça lui rapporte de l'argent, il va peut-être organiser le bras. Si ça lui rapporte quelque chose, il va bouger. Sans ça, c'est ton karma, c'est ton plan de vie, il n'a rien à faire. S'il en a besoin de conduire son auto, il va le réparer. Ouais. Alors, la mentalisation, c'est un gros, gros problème. Pourquoi? Parce que les personnes qui mentalisent, non seulement ne peuvent pas toucher l'intelligence supramentale, donc ne peuvent pas entrer en contact avec leur esprit, elles ne se centrent pas sur elles-mêmes, et en plus, elles vont vivre une souffrance mentale qui est à peu près associée uniquement à ceux qui mentalisent. Elle devient un MTS, hein, un martyr de la transition supramentale. La personne qui mentalise vivra et vit. Il y a plusieurs personnes qui mentalisent sans arrêt. C'est-à-dire, ils sont dans un court-circuit total. Et là, elles ne peuvent pas s'en sortir. Ben, pour s'en sortir, ce qu'il leur faut, c'est un coup de pied énergétique. Dans les fesses énergétiques. Bon. Occulte, comme il disait. Un coup de pied occulte. Mais dans tous les sens du terme, là, c'est occulte parce que c'est mystérieux. C'est occulte parce que c'est occulte. Et puis, voilà, puis c'est occulte parce que c'est. Ouais, c'est vrai. Bon. Ça replace les esprits. Oui, ça replace tous les esprits dans le monde astral, les esprits dans le. Est-ce qu'Hitler était un mentalisateur? Non, Hitler était un spiritualisé. Il spiritualisait les gens. Mentalisé? Okay. Il mentalisait pas Hitler. De la façon dont tu définis quelqu'un qui mentalise? Himmler était mentalisateur. Hitler n'a à peu près jamais donné l'ordre de tuer ou de faire ceci ou de faire cela. Henri Himmler, oui, puis il n'y a pas qu'à d'autres. Les autres étaient des mentalisateurs. Où eux pouvaient plus facilement dire qu'écoute, ben, ils vont se réincarner dans le peuple à rien. Fait que ça sert à rien de garder en vie. Ben, t'es tout, puis ça règle le problème. Puis on prend les cheveux pour faire des perruques, faire des cossins, puis on peut faire des petites sacoches en peau, puis la peau de fesse, ça fait des très belles sacoches. Et puis, on faisait des choses comme ça. Bon, ben, c'est quoi le problème pour un mentalisateur? Il n'y a aucun problème. La problématique, c'est que tu n'as aucune idée de comment tu es en train de terroriser le monde astral. Ah, ben, c'était prévu, c'était destiné. C'est vrai. Il a totalement raison. Mais par contre, ça aurait pu être un autre que lui. Ça serait fait quand même. Ça aurait pu être un autre que lui. La mentalisation fait que tu te donnes toutes les possibilités. Tu deviens l'individu le plus manipulable. Puis normalement, le plus manipulable négativement parmi les individus qui se conscientisent, quand tu mentalises. Et en plus, pour toi, c'est pas génial. Pourquoi? Parce que quel que soit le problème que vous avez, si vous mentalisez, vous allez simplement vous rendre compte que vous ne pourrez jamais en sortir. Quelqu'un qui mentalise ne peut pas vivre d'émotions, ne peut pas vivre de sentiments. Oui, il va vivre des émotions de temps en temps, après ça, il va commencer à mentaliser. Il me sent quoi fait fourrer, les maudites émotions, puis il faudrait plus gérer que les autres. C'est du monde qui me rabaisse. Puis... La personne, elle se coupe complètement de tout. Mais c'est correct, la mentalisation, parce que l'individu doit se couper. Tu dois te couper de tes amis, de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de tes parents, de tout le monde. La mentalisation est dans la conscientisation, l'humain doit devenir totalement seul pour devenir son seul maître. Sauf que ce que l'humain doit comprendre, c'est que la mentalisation est une phase qui ne devrait pas durer longtemps. C'est même plutôt la mentalisation, une espèce de pathologie de la conscientisation ou de l'évolution. C'est-à-dire que la légifération, c'est suffisant pour te déconnecter. La légifération, ça fait partie du grand M de mentalisation. Tu as une petite mentalisation là-dedans, c'est elle qui est problématique. La légifération, c'est suffisant. Parce qu'à un moment donné, tu vas être capable de te rendre compte que, ben, un exemple, j'ai besoin de manger pour nourrir mon corps physique. Alors, celui qui mentalise, il va dire, ouais, mais c'est père, sacré bleu, tu sais, tous les jours, tu bouffes, tu pousses là-dedans, tu manges, tu sais. Hein, l'énergie que tu perds juste pour arriver à digérer ce que tu manges, c'est totalement épais. Alors, il peut, c'est son corps physique, il peut le laisser tomber. Bon, il peut ne pas, il peut le laisser tomber. On doit nourrir le corps physique, on doit nourrir le corps vital, on doit nourrir le corps astral, on doit nourrir le corps mental. Le corps mental, les mentaliseurs, ils nourrissent en tabarouette. Pourquoi? Ils mentalisent sans arrêt, ils jasent avec d'autres manteaux. Alors, ils se remplissent d'énergie. Sauf que le corps astral doit être nourri. Pas l'ego, le corps astral. Le corps astral, il se nourrit par relation énergétique, par sentiment. Par quoi? Ben, par exemple, par le plaisir que tu auras d'être avec quelqu'un. Oui, pas le plaisir émotif, le plaisir sentimental, ou soit sentimentique pour être plus précis. Le plaisir que tu as d'être bien dans ton corps, le plaisir que tu as d'être bien dans la nature, le plaisir que tu as de regarder un orage électrique avec des éclairs, le plaisir. Un plaisir de ce genre-là est un plaisir sentimentique, c'est-à-dire que tu te nourris astralement. Mais celui qui mentalise ne se nourrit plus astralement. Pourquoi il va se couper de ses amis? Il va se couper de tout le monde au complet. Mais pourquoi on doit se couper de ses amis? On doit se couper de ses amis pour en être libéré de ses amis. Par la suite, on redevient ami avec d'autres ou avec nos amis. Est-ce qu'on peut s'en couper émotivement sans passer par la phase de mentalisation? Oui. Mais habituellement, c'est assez rare. Mais la mentalisation, la phase pénible, peut durer, comme tout à l'heure je disais, de quelques secondes, de quelques instants à quelques instants. Puis le coup de pied occulte que ça prend pour changer d'étape, pour arrêter de mentaliser, c'est quoi? Pour la passer vite, l'étape de mentalisation? Ça dépend, bien gros. Ça dépend, premièrement, de l'information qu'on est capable de se donner astralement. Autrement dit, si astralement, j'ai lu des livres, j'ai assisté à des conférences ou j'ai rencontré des individus avec qui j'ai jasé, bon, si j'ai de l'information m'expliquant les mécaniques qui vont arriver, chaque fois que je me fais pincer, c'est mon ego est au courant de certaines choses. Et puis, mon mental, la partie qui mentalise, se servant de l'information que j'ai pour faire de la mentalisation. Mais si dans la mentalisation, c'est inclus que la mentalisation est un problème, ben c'est pas long que la mentalisation va finir par s'auto-court-circuiter. Puis ça va me permettre de passer à la deuxième phase de logifération qui va me mener à l'intelligentiation. Autrement dit, plus une personne est instruite, pas éduqué. Et plus une personne est instruite des mécaniques de l'évolution et de la conscientisation, des problématiques, c'est comme, bon, vous êtes alcoolique, puis à un moment donné, on commence à faire un travail de sevrage, puis si à un moment, on ne vous explique pas que probablement vous allez faire des rechutes, puis c'est normal, puis ça fait que c'est naturel, que ça fait partie du processus même de sevrage, bien la personne, elle commence à arrêter de boire, ça fait 2 semaines, elle est tout fière d'elle, 3e semaine, à un moment donné, rien à faire, elle se ramasse, elle se fout de la gueule encore. Là, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense qu'elle a totalement tout floppé, a tout manqué. Elle ne revient même plus aux réunions d'alcooliques. Elle est un raté, elle est une ratée totale. Pourquoi? Parce qu'il manquait de l'information. Là, si on la ramasse après sur la rue, pour lui dire, écoute, c'est normal. Là, elle pense que tu veux l'acheter. C'est normal. Voyons donc, c'est normal. Là, il faut qu'elle revienne aux réunions puis qu'elle se fasse dire par 25 ou 250 personnes, on a tous fait des rechutes. C'est le cave ou la cave, réveille, on en a tous fait. Ah oui? Là, vient de se rebrancher, elle vient de se déconnecter de la mentalisation. Elle vient de se rebrancher dans la capacité d'accepter des choses neuves. Alors, la mentalisation, bon, ça a certains problèmes. Je le répète, l'individu, normalement, qui vit une forme de mentalisation, s'il est suffisamment instruit, comme l'alcoolique, on leur a instruit des possibilités de rechute, quand il vit sa rechute, bien, 2-3 jours après, la mentalisation va jouer, mais dans l'information que le mentalisateur va prendre, il va y avoir, il s'était prévu les rechutes. D'où l'importance d'avoir une bonne instruction dans un certain temps donné avant de commencer à vivre des strates de la mutation, de la transition vers la conscientisation. Parce que sans ça, la personne, j'en ai connu quelques-uns qui mentalisaient des mentalisateurs. Il n'y en a pas une peste, mais il y en a. Ce sont de vraies pestes, mais il n'y en a pas une peste. Et puis, c'est des personnes qui, c'est dommage, parce que elles souffrent énormément au niveau mental. Puis, qu'est-ce que c'est souffrir au niveau mental? C'est de se rendre compte, c'est d'avoir énormément de questions qui resteront à jamais ou presque sans réponse. Quelqu'un vient te répondre, c'est jamais correct parce que ça ne fait pas partie des choses que tu savais déjà, parce que le mentalisateur, il faut uniquement des choses qu'il sait déjà. Pour que la personne avec qui tu parles soit parfaite selon le point de vue du mentalisateur, il faudrait qu'il sache exactement ce que tu veux dire. D'accord avec toi. C'est ça. Elle dit oui, puis ça va. Oui. Ou bien il faut qu'elle ait une dose d'énergie tellement puissante qu'elle va être le côté occulte, donc nécessairement tu commences à bouger. Tu vas dépasser la mentalisation, mais quand l'individu est reparti, tu redescends dans ta mentalisation. Mais à moyen terme, tu vas parvenir à t'en sortir. Alors, la mentalisation, donc, je le répète, c'est un phénomène extrêmement pénible. Il faut faire attention, il faut être instruit des problématiques de mentalisation. Parce qu'à un moment donné, ça va être bien simple, c'est que Dieu nous a créés, mais Dieu qui l'a créé, puis il nous a créés pourquoi, puis est-ce qu'il s'ennuyait? Apparemment, qu'il est partout, s'il est partout, il est dans nous autres. Donc, s'il est parfait, on est parfait. Si on n'est pas parfait, Dieu n'est pas parfait. Être la créature d'un Dieu imparfait, c'est une vraie farce. Puis après ça, il y a les guerres. Et puis la mentalisation fait qu'à un moment donné, l'avenir, tu n'as rien à foutre de l'avenir. Non, pas d'avenir, une bombe nucléaire qu'on va s'entendre. C'est même pas la peine de travailler ou de s'instruire ou d'étudier. Les extraterrestres, après 30 000 ans qu'on les attend, on sait bien qu'ils n'existent plus. Il y a que les imbéciles qui en voient encore. Après ça, tu rencontres des Krishna sur la rue. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver comment ils sont épais. Avec le couette sur la tête, le cousin. Tu ne trosses pas, il me semble. Bon, tu vois. Et puis le mentalisateur, il y en aura plein de conneries comme ça à jaser. Mais c'est ce qu'ils font, les Krishna, ils prennent le gars, ils trempent dans de la mousse, tu sais, puis là, ça sent ça comme blaireau. Pour raser l'autre. On en a toujours. Je pensais que c'est parce que Dieu le ramasserait. Oui, bien, c'est pour ça, en réalité. C'est parce que Krishna doit ramasser l'homme par la petite pète pour le ramener dans le sortir des problèmes planétaires. C'est pour ça qu'il se laisse une petite pète comme ça. Ça, c'est la partie sérieuse de l'affaire des Krishna. dans les étapes que tu as mentionnées tantôt, les motivations, la spiritualisation, la mentalisation, est-ce qu'on reconnaît les apprendre, comprendre, savoir? Est-ce qu'on oui. suit les mêmes ou à peu près? Oui, apprendre tes motifs, tes spirituels, tes cartésiens, donc tes rationnels, t'apprends toujours. Comprendre, tu commences à finaliser ton phénomène cartésien, comprendre, tu sautes l'intellectualiste, mais l'intellectualisation peut avoir, tant que tu n'es pas pris avec, ça va dans le comprendre et dans l'apprendre, mais normalement tu apprends pour comprendre. Et puis, quand tu commences à logiférer, c'est la compréhension. Tu peux toujours encore ramasser des informations, mais tu n'apprends plus. Tu logifères, donc tu arrives toi-même à tes conclusions. Donc là, c'est dans la compréhension, tu commences à comprendre les choses. C'est pourquoi tu deviens écologiste. L'écologie, c'est la science de la compréhension des conséquences, donc tu deviens écologiste. Et par la suite, la mentalisation reste encore d'en comprendre théoriquement, mais la mentalisation, c'est le phénomène final qui va court-circuiter toutes les mécaniques, disons, ancestrales chez l'humain. Puis ça, il faut qu'on s'arrange pour ne pas vivre ça longtemps. Pourquoi? Parce que juste la logifération, c'est suffisant, avec de l'information, parce que du moment que si on passe la mentalisation pénible, là, celle qui exclut totalement le sentiment, au nom du fait qu'il pense que le sentiment, c'est de l'émotion, puis l'émotion s'est rendu compte que c'était pas bon. Hein? Quelqu'un qui passe, qui veut t'embrasser, est-ce qu'elle vient de têter ou si elle vient de donner? Bien, si tu as toujours rencontré des têteux, puis tu t'es mentalisé, il n'y a plus rien à faire, plus personne ne peut t'embrasser. Puis tu n'embrasses plus personne non plus, il n'y a rien de plus, etc. Puis tu as des raisons, tu n'auras pleines. Puis le problème de la mentalisation, c'est quelles que soient les raisons que vous allez amener, vous allez avoir raison. Ça va être réellement mathématique. Fait, s'embrasser, là, on transmet des microbes. Le saviez-vous? En plus, on tête l'énergie de l'autre. Fait que moins vous faites embrasser, plus vous allez garder vos énergies. Et c'est totalement évident. Tu nourris l'ego, c'est totalement évident. Mais ça a d'autres effets. Mais oh et quoi? Mais là, amenez-le au mental, il ne pourra pas les accepter. Ça peut pas être tenu, il ne les connaît pas déjà. Le mentalisateur, il reste barré dans une mentalisation court-circuitée sur ce qu'il a en passé, en ayant dénué ça d'émotivité, d'émotion. Puis comme il associe émotion à sentiment, ben, il peut pas avoir le sentiment. Il peut pas aller chercher d'autres choses. Bon, on joue au tennis, on a du fun, tu sais. Tu joues au tennis, tu améliores ton corps physique, c'est OK. Mais là, de là, on a du fun, tu sais. Tu te lances ta balle, des paf, une paf, une paf, une paf. Ça, tu ramasses tes balles, puis tu recommences, tu sais. Faut être pas mal épais. C'est le mentaliseur, là, le mentalisateur, la mentalisatrice, elle se court-circuite comme ça. Ça fait plus grand-chose. Ça fait plus de réunions mondaines, ça sort plus nulle part, puis ça fait plus rien. Donc, pour un mentalisateur parfait, ça vaut pas la peine de vivre, ça vaut pas la peine de mourir non plus. Il est pris d'un. Oui. Puis toutes les questions qu'il va se poser, ça reste dans le court-circuit. C'est des philosophes qui arrivent à la mentalisation, qui sont totalement affinés. Après la mentalisation, on peut passer à travers, on peut donc la sauter, on arrive à l'intelligentiation. Il y a une petite légifération qui va être, une espèce de fer à cheval avec la légifération avant la mentalisation pénible. Puis on arrive à l'intelligentiation qui, elle, nous rapproche de l'utopisation, qui nous rapproche d'un paquet de choses du genre, ce sera l'affairisation, l'utopisation, puis des choses comme ça. La socialisation au niveau philosophique, la socio-utopisation. Lorsque l'individu arrive à l'intelligentiation, ben là, ce qu'il commence à voir, c'est qu'au lieu de voir simplement la mécanique des choses, il commence à découvrir l'intelligence sous-jacente aux choses. Et il commence à apprécier l'intelligence. Dans la mentalisation, tu n'apprécies rien, parce qu'apprécier veut dire te nourrir sentimentiquement. Tu commences à ramasser de l'énergie dans l'intelligentiation. Alors, subitement, tu vas découvrir qu'effectivement, quand tu es avec des individus que tu aimes bien, des amis, tu nourris ton corps astral. Tu es bien après. Et en intelligençant les choses, tu te rends compte que c'est intelligent de nourrir ton corps physique convenablement, que c'est intelligent de sauver du temps, que c'est intelligent d'être en santé, que c'est intelligent de connaître des bonnes personnes. Des personnes de notre calibre mental pour nourrir le corps mental, oui, mais des personnes avec lesquelles tu es capable de nourrir ton corps astral, des personnes avec lesquelles tu es capable de vivre au niveau de ton intelligence, donc des personnes avec lesquelles tu vas pouvoir continuer à te respecter toi en tant qu'être qui se conscientise. L'intelligentiation amène à l'individu une émancipation nouvelle parce que immédiatement, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui commencent à intelligencer se relient à son esprit, se relient à elle, puis l'esprit pour un mentalisateur, c'est de la foutaise. Alors elle se relie à de la foutaise et subitement, elle a de l'information, puis une information qui l'amène au savoir. Là, elle ne comprend plus, elle n'apprend plus, elle sait. Mais quand on arrive au savoir, on approche d'une phase où on ne peut pas expliquer grand-chose. Mais si on le sait, pourquoi on ne peut pas l'expliquer? Pour la simple raison que quand tu le sais, tu ne le comprends pas. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Exactement comme... Parce que dans les étapes précédentes, comme pour le comprendre, on va dire souvent, si tu l'expliques, tu vas le comprendre mieux. C'est vrai, quand on l'exprime verbalement, oui, en montant. On l'apprend, on le comprend. Bon, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui me lance une balle de baseball derrière la tête, puis subitement, ben là, moi, je me torse, la balle la passe. Quelqu'un me dit, pourquoi c'était torsé? Elle peut pas savoir la balle. Ça, c'est ça, là, j'explique ça à quelqu'un qui serait mental. Oui, mais est-ce que tu l'as entendu venir? Non. Alors, comment t'as pu faire pour pas savoir qu'elle s'en venait? Ben, je savais pas. Alors, pourquoi tu t'es torsé? Ben, bague pour éviter la bague. Écoute, tu finis de me niaiser. Le mental est mal pris. Pourquoi? Parce que le mentalisateur ne peut pas faire référence à quelque chose de neuf. Je l'ai su. Merde, il y a une bague qui se dirige sur vous. Elle perturbe toute l'atmosphère. Hein? Elle fait un bruit qu'on n'entend presque pas. Elle perturbe l'atmosphère au complet. Elle comprime l'air en avant de votre tête. Vous devriez le sentir. Elle s'en vient. En plus, elle perturbe votre espace vital. Elle pénètre dans votre champ d'énergie vitale. Le cerveau devrait le décoder. Et nécessairement, par réflexe, le cerveau devrait simplement contracter les bons muscles pour éviter la balle. C'est tellement logique. À quoi ça sert d'avoir une balle derrière la tête, entre vous et moi? Bon, tard, ça finit là. Puisque tu n'as jamais dit, il va manger ton cornet. Mais le mentalisateur ne comprendra pas. Dépend, si je suis en face de toi, j'aimerais mieux que tu restes comme ça. Ouais, mais il va me casser quand même. Alors, si s'il si est en face de moi, bien, je pourrais lui expliquer. Ah, ben, écoute, c'était ton karma. Moi, j'ai eu. Puis là, pour. Ah oui, un mentalisateur, il faut lui expliquer ça comme ça. Là, je dis, ben, j'ai eu un espace du sternocleidomastoïdien. Ça, j'ai un espace. Bon, puis c'est tout. Et si c'est un spiritualiste, ben, l'intellectuel, lui, il ne pourra jamais comprendre. Non, parce qu'il faudrait qu'il y ait une raison mathématique. Ou encore, tu es un menteur, tu caches des choses, si tu l'entends du venir, ou l'autre te lui a dit, ou c'était truqué, ou etc. Le spiritualisé, là, celui qui fait de la spiritualisation, ben là, il va comprendre, lui, que c'est probablement un troisième sens. C'est, mais c'est ton 27e sens qui a agi. Le troisième, c'est rien qu'à clairvoyance. Tu as la clairaudience, la clair sensation, puis tu as la vitalique perception, puis il n'y a pas d'autre sens. Et alors, le spirituel, il va penser que c'est des mécaniques occultes, que c'est parce que tu es un maître. Ton troisième œil, mais il est en arrière. C'est ça. Une chance, t'as pas fermé ta paupière du troisième œil par réflexe. Que tu sois en pleine face derrière la tête. Avec un œil arrière au beurre noir. Mais, et puis si tu vois dans les motifs, ben je sais pas, quelque chose qui m'a pogné des tripes, puis là, je me suis tossé. Puis ça, l'autre va dire, ah, il comprend ça. Alors, chacun va comprendre à sa façon. Sauf que dans l'intelligentiation, quand l'humain commence à transiter vers l'être nouveau, vers la femme nouvelle, l'enfant nouveau, l'homme nouveau, ben nécessairement, que c'est bien évident qu'à un moment donné, tu te tasses, qu'elle va te conter une histoire. On était en train de bâtir, de tenter, n'est-ce pas, c'était notre xème tentative de bâtir une cabane dans le bois assez loin. Et puis, j'étais avec un de mes amis qui s'appelait Pierre, puis lui, c'était un grand bonhomme bien bâti, c'était un ex-bûcheron, lui, dans une vie ou deux en arrière. Et puis, il s'était acheté une grande hache à deux tranchants, lui, il avait vu, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, à deux tranchants. Puis, ces haches-là, c'est des haches pour écarrir le bois. C'est pas pour couper des arbres, c'est pour écarrir. Tu sais, tu mets un arbre pour en faire une planche. Tape d'un bord, tape de l'autre, tape d'un bord, tape de l'autre. Fait qu'il y a deux tranchants. Mais ça fait tellement bûcheron. Alors, on lui disait toujours, nous autres, tu donnes trop gros, c'est là. Si tu manques ton arbre, et m'en donner ta hache, ça va s'en aller. Bon. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, il donne une assez grosse élève, il manque son arbre, la hache, il glisse des mains, puis elle se dirige droit vers un de mes amis, puis elle s'en vient directement dans son visage. Et lui, il est légèrement tourné, fait qu'elle s'en vient dans son visage arrière, c'est aussi le troisième œil. Et puis, à un moment donné, ben là, il se penche pour ramasser une affaire à terre, une brindille, tu sais, mon boss, il sait pas que des brindilles, il se penche, il ramasse une brindille. Alors, la hache arrive juste sur le dos, le manche frappe son dos, puis la hache pivote complètement, puis là, c'est le fer qui continue. Puis là, j'ai mon frère, moi, qui est en ligne en avant, tu vois, c'est ça. Alors mon frère, lui, il voit absolument rien non plus. À un moment donné, il se lève la main en avant de son visage, sans savoir pourquoi. Le manche arrive juste dessus, ça y est, ça accède à un petit bout d'oreille. À peine, ça fait une petite... deux points dessus. Puis là, je tombe à terre. Tous les spectateurs ont tout vu ça au ralenti. Puis les acteurs, eux autres, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut dire, c'est tant mieux. Il y aurait eu un mort, il n'a pas voulu. Il en arrivait un autre, il n'a pas voulu non plus. Fait que mon chum Pierre était déçu. Tu as acheté une scie mécanique. Tu as acheté une scie mécanique. Tu lui as donné des gros coups de scie mécanique pour les arbres en espoir d'échapper sa scie. Mais là, on parle donc effectivement de phénomènes intuitifs. Nous, on ne s'est pas demandé pourquoi, parce qu'on savait pas, puis ça ne nous dérangeait pas. L'important, c'est que tout le monde était correct. Et ça faisait, à l'époque, on était très très jeunes, à l'époque, on spiritualisait, on occultait donc. C'est-à-dire que c'était, bon, le karma, ou c'était, on l'a perçu dans l'inconscient, etc. Bon. Mais c'est exactement ce qui arrive. Celui qui arrive au savoir supramental, ben, s'il conduit son automobile, ben, à un moment donné, ben, là, il se tasse. Puis il se tasse pourquoi? Ben, parce que ben, il freine à mort. Pourquoi? Parce que le ballon arrive en avant. T'sais. Puis là, il y a un enfant qui traverse la rue, il ramasse son ballon. T'sais. Puis tu continues. Tu chôles pas après l'enfant, t'as arrêté. T'es bâti pour. Lui, il savait que t'as pour arrêter. Il n'y a plus de problème. On ne sait pas plus l'engueuler. Toutes les fois que tu traverses la rue, les enfants, on dirait effectivement qu'ils savent que tu vas arrêter. Ah, ben, ils n'ont pas l'air stressés pendant tout. Mais non. Ben... Une fois que tu as arrêté, souvent, il y en a quelques-uns qui sont stressés par un bout. Mais lorsque l'humain arrive donc à l'intelligentiation, la mentalisation doit être dissoute, puisque la mentalisation refuse tout ce qui est totalement neuf. Alors, lorsque l'humain arrive à s'absoudre de la mentalisation, il est maintenant prêt pour le neuf. Alors, il faut comprendre ceci. On est bâti, grosso modo, l'humanité est bâtie sur des traces mémorielles. Alors, nos ancêtres, nos religions, imaginez ceci. Je me demandais, je lisais une affaire sur Stonehenge, Henge, en Angleterre. Alors, il y a des bonhommes, à un moment donné, qui sont arrivés là-dedans, ils ont fait un petit jardin, ils ont planté trois ou quatre pierres. Puis, quelques centaines d'années après, ils ont mis des grosses pierres, puis ils leur ont mis des chapeaux, puis ils ont fait des linteaux après ça. Puis après ça, ils ont continué quelques millénaires après, ils ont fait un autre enclos complet. Fait, imaginez comment ça peut être. Reculons un peu, là, quelques milliers d'années. Et puis, comment pouvons-nous penser qu'un peuple, à travers 1200, 1300, sinon 1900 ans, a pu maintenir un culte similaire dans une région relativement perdue de l'Angleterre, où il y avait des gros monolithes de pierre, puis travailler sans arrêt, parce qu'ils traînaient des roches de 200 km, de 30 km pour certaines, pour arriver à bâtir ça, ils adoraient quoi? Puis là, après des milliers d'années, les personnages, vers la fin, adoraient, se servaient des structures pour adorer des choses similaires au début. C'est phénoménal. Après ça, je me repique aujourd'hui, là. Les Juifs, eux autres, ça fait 3500 ans qu'ils adorent la même chose. Les catholiques, ça fait près de 2000 ans qu'ils adorent la même chose. Ils ont des mêmes églises. Alors, on est bâti sur le passé, on rentre dans la même église que nos arrière, etc. Puis là, on va adorer les mêmes structures, les mêmes choses, avec les mêmes rituels. Et on est connecté dans la mémoire énormément. La mentalisation, son rôle, c'est de nous déconnecter complètement de la mémoire. Pas parce que ce qui s'est passé n'était pas bon. Les prophètes ont eu un savoir, puis ils l'ont amené. Bon, mais aujourd'hui, l'humain a juste de l'information, puis de l'apprentissage, puis de l'éducation. Il n'est plus capable d'aller chercher du neuf, d'aller chercher du savoir. Pour aller chercher du savoir, il faut qu'il se ramasse seul. Puis quand il va être suffisamment seul, bien, il va nécessairement, il n'aura pas le choix, il va se tourner vers la mémoire, puis il ne sera pas capable de digérer la mémoire. Alors, il va être obligé de se tourner vers le neuf. Alors, la mentalisation, elle a comme rôle de couper l'humain de la mémoire. La mentalisation globale, qui inclut donc la rationalisation, l'intellectualisation, la légifération 1. La mentalisation pénible, qui est une pathologie, disons, du gros phénomène de mentalisation, qu'on devrait sauter, et par la suite, l'intelligenciation. Alors, c'est simplement cela. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le passé, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, se reconnecter à une source de neuf, de vie, de plan vital, d'énergie, de savoir, ce que le Nazaréen appelait l'Esprit Saint, l'Esprit pur, non coloré par l'expérience humaine. Lorsque tu es connecté à une source vive, ben, tu n'as plus besoin d'avoir de la mémoire. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que la source vive, elle, est totalement adaptée à toi aujourd'hui. Pas à toi, voilà 3500 ou 4000 ou 40 000 ans. Alors, l'humain doit faire attention à la mentalisation parce que dans son évolution, à un moment donné, il va arriver à un plafond d'évolution. Quand le mental commence à s'émanciper sérieusement, et de la mentalisation, il va progressivement, à travers l'expérience du plan mental, passer à la conscientisation. La conscientisation va nécessairement éliminer l'évolution, parce que l'évolution, c'est apprendre, quelquefois comprendre, surtout apprendre. Et quand on arrive à être conscient, toutes les lois de Dieu, ou toutes les lois planétaires, ou toutes les lois cosmiques qui régissent l'humain, on n'en a plus besoin. Quand tu es un être écologique, tu n'as pas besoin d'une loi pour t'empêcher de polluer, tu ne pollues pas. L'humain qui arrive à la conscientisation se désassocie totalement de toutes les mécaniques évolutionnaires du passé. Alors nécessairement, il devient un être nouveau, un être divin pour celui qui reste assujetti. Détaché du karma, des émotions, des sentiments de culpabilité. Plus de souffrance, plus de pauvreté, plus de maladie, plus de vieillissement, puis plus n'importe quelle chose. Mais la période, il y a plusieurs personnes qui se dirigent réellement vers ça. La mentalisation, c'est un facteur à faire attention parce que le bonheur. On travaille avec des personnes régulièrement et puis on se rend compte que ce qu'on vivait dans le passé, on est en train de le recréer dans l'avenir. Tu sais, t'as des amitiés, là, t'es en train de refaire des amitiés, là. T'as des amitiés libérées, t'es en train d'en refaire des amitiés intelligentes et désinhibées. C'est, ouais, il y a une période entre les deux, où tu étais soumis à, tu vas gérer. Alors l'humain, il a peur, il a bien peur de ça. À cause de la mentalisation, souvent, qui vient lui dire, écoute, ça va. C'est vraiment, vraiment plus intéressant, ça. Faut faire attention pour rester mentalisé. Quand on mentalise sans arrêt, là, ben, faut aller chercher l'énergie qu'on prend. On va aller chercher un botard. Alors, on fait une petite pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. On va les lire.